Franco Douimane. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Alors que le président de la République se plaint de certains administratifs qui se rendent coupables de lenteur dans l'exécution des travaux de développement communautaire, le président de l'ONG Olucom trouve qu'il faut plutôt les sanctionner. Les vendeurs et commerçants exerçant leurs activités dans les grands marchés urbains ont besoin d'être sensibilisés sur l'importance de faire assurer leurs marchandises contre des incendies. Les sociétés d'assurance qui avaient promis d'organiser des séances dans ce sens tardent à agir. On fera le point dans ce journal. La route nationale numéro 16 reliant Rumonge et Bururi s'effondre de nouveau au niveau de la colline Murambi de la zone Buruhukiro en commune et province Rumonge. Sa coupure pourrait compromettre gravement les échanges commerciaux entre ces provinces. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Et pour ouvrir ce journal, deux bus de dimension moyenne, 45 ordinateurs portables, deux imprimantes et leurs accessoires constituent un don que le Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois a offert au Sénat burundais ce lundi. L'ambassadeur de Chine au Burundi, Mme Zhao Jiangping, a indiqué que ce matériel permettra d'améliorer les conditions de travail des sénateurs burundais, d'assurer leur transport quotidien et de faciliter leur rapprochement à la population et l'écoute de ses doléances. Le président du Sénat burundais, Emmanuel Sinzo Hagera, a quant à lui apprécié ce don chinois qui comprend également du matériel de sonorisation de la salle des plénières, d'un mini-studio et d'une mini-imprimerie. Le chef de l'État burundais fustige la lenteur dans l'exécution des travaux de développement communautaire et dont se rendent coupables certains administratifs. Évariste Ndayishimiye l'a déclaré dans une croisade de prières organisée par le parti au pouvoir la semaine dernière. Selon lui, le développement est impossible sans que ces administratifs changent de comportement. Suivez-le dans la traduction française de Jean de Dieu Irakoze. Pour ce projet de modernisation du port de Bujumbura, dont le délai d'exécution est de 24 mois, j'ai réalisé que le soumissionnaire gagnant n'avait rien fait durant les 6 premiers mois. Dans une descente conjointe que j'ai effectuée avec des ministres en charge du commerce et des infrastructures, nous avons été surpris de constater que seuls 7 ouvriers étaient à l'œuvre pour ce chantier pareil. Ces derniers travaillaient comme ils veulent, c'est comme s'ils n'avaient pas de chef. Je leur ai demandé de m'amener à leur baraque de chantier, ils n'en disposaient pas et cela après 6 mois de délai d'exécution. De même, ils n'avaient pas de machine. Ceux-là sont des étrangers. Ils se préoccupent moins du développement du Burundi. J'ai demandé au responsable local chargé de ces travaux si cette situation était normale. J'ai constaté qu'il n'avait pas de problème. Par contre, il y voyait une opportunité dans cette lenteur pour qu'il soit payé durant un long moment. Pour le directeur général en charge du port dont les travaux sont les siens, il croise les bras. Partout, les travaux sont au point mort. Si on tenait à sanctionner tous les responsables, on pourrait y arriver. J'ai réalisé que ceux qui disent qu'il faut les sanctionner pensent en réalité à occuper leur poste. Combien d'agences de voyage ont été créées et évoluées, beaucoup plus que le Traco. Mais maintenant, on dépasse de loin le Traco à ce moment. Si on prenait tous ceux qui ont été des directeurs généraux de la SESUMO, OTB, ONATEL, aurait-il quelque chose à expliquer? J'ai réalisé que le responsable du bureau de contrôle et de surveillance a adressé sa 50 correspondance à l'autorité maritime, parmi lesquelles 10 ont été répondu sur l'état d'avancement de ces travaux. Implorons le Saint-Esprit pour que nous puissions changer. Si on ne change pas, rien n'est possible. À propos de cette lenteur dans l'exécution des travaux de développement, l'ONG Olucom estime que les séances de moralisation ne suffisent pas pour qu'il y ait changement de comportement. Gabriel Rufiri propose plutôt des sanctions à ceux qui gèrent mal la chose publique. Suivez-le. Aujourd'hui, nous voyons que effectivement, le président de la République et d'autres autorités essayent de conscientiser, mais la moralisation seule ne suffit pas. Il faut arriver à une autre étape parce que nous constatons qu'il y a une course vers l'enrichissement illicite de quelques individus qui sont au pouvoir et ceux qui sont autour du pouvoir. Ces investissements des cadres de l'État essaient de gagner le marché public. Mais donc pour nous, il faut continuer à conseiller, mais à un certain niveau, il faut sanctionner. Mais cela sera possible car la justice fera son travail. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice est à mesure de trancher? Moi, je dis non. C'est pour cette raison que le chef de l'État, qui est le garant de la justice, le garant du bon fonctionnement des institutions, doit prendre le taureau par les cornes, au lieu de prendre toujours le taureau par les jambes. Il est très difficile d'arriver loin quand on ne trace pas une ligne que tout le monde doit suivre. Il faut que tout le monde suive l'intérêt général. Deuxièmement, c'est de confier la gestion de la chose publique des gens capables de rendre compte, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour nous, la gestion telle qu'elle est aujourd'hui, si elle ne change pas, il sera très difficile d'arriver aux conclusions d'un Burundi émergent en 2040 et d'un Burundi développé en 2060. Ça va rester un rêve. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La mesure de la mairie de Bujumbura de remettre les stands aux propriétaires avec qui il a signé des contrats est à saluer. Déclaration du président de l'association des commerçants du Burundi, Akobu. Selon lui, ce n'était pas compréhensible que même l'employé cherche à se substituer à son chef pour s'approprier les shops. Antoine Mouzanéza le dit au moment où il est prévu ce mercredi la remise des stands aux premiers acquéreurs. On l'écoute dans cette traduction de Léonce Vitalio. Barabonye neza yuko hariho bamwe bari mu bibanza bakoreramo kandi atari gwabo ivyo nibaza yuko leta zotanga intumbe. Ils ont constaté que certains occupants ne sont pas les propriétaires des stands. À cela, je pense que l'État va donner des orientations. D'autres sont les vrais propriétaires, mais ont fait louer leurs échoppes. Ce qu'on demande à nos amis, collègues et commerçants, c'est de faciliter la tâche à ceux qui vont faire le recensement et la mairie qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir rencontrer les commerçants. Les marchés de l'intérieur du pays, eux, n'ont pas eu de problème. Nous saluons la décision que la mairie a prise de remettre les stands à ceux qui possèdent les fiches. Il y a des commerçants qui n'étaient pas proches. Ceux qui occupaient les places voulaient s'en approprier suite à l'annonce du chef de l'État d'attribuer les échoppes aux occupants. C'était un peu du vol. Par exemple, le marché dit Kotebu a été construit par des investisseurs qui venaient de perdre leurs marchandises à l'ancien marché central de Bujumbura. L'État a construit jusqu'à la toiture et nous nous sommes occupés à aménager les échoppes à l'intérieur. Les uns ont contracté des crédits dans les banques, d'autres ont cherché des assistances ou dettes qui ne sont jusqu'ici remboursées. Donc, celui qui a fait tout cela ne peut pas avoir les mêmes droits qu'un simple occupant. Agakredi hirya no hino mumva biko bigoye yuko umuntu ariko arakorera muri ico kibanza uwo muntu agishikira atana mutaye yigeza shiramo. Et le responsable des marchés urbains de Jabeiru Vumera demande aux maisons d'assurance de sensibiliser les vendeurs et commerçants à faire assurer leurs marchandises contre l'incendie. Selon ses responsables, certaines sociétés ont promis cette activité mais elles n'ont pas encore fait ces descentes. Mireille Kanyang. Bien que certains marchés aient été ravagés par l'incendie, notamment le marché central de Bujumbura en 2013, des commerçants ne sont pas nombreux à faire assurer leurs marchandises contre l'incendie et le secteur des assurances au Burundi n'étant pas très développé, comme cela a été soulevé lors de la récente célébration de la journée dédiée à l'assurance édition 2023. Parlant de l'assurance incendie dans différents marchés urbains, notamment celui de Jabé, les vendeurs et commerçants ne sont pas sensibilisés sur l'assurance incendie, dit Edouard Ngendakumana du comité des commerçants de ce marché. Il rappelle qu'il y a eu incendie en 2000 dans ce marché et il appelle ceux qui y opèrent de faire assurer leurs marchandises. Des maisons d'assurance, poursuit-il, ont promis de sensibiliser les commerçants, mais leur action se fait toujours attendre. Même son de cloche du côté du marché de Ruvumera, en zone urbaine de Buyenzi. Élisée Ngayemore, commissaire de ce marché, regrette que des sociétés d'assurance n'ont pas encore agi. Il rappelle aux commerçants que l'indemnisation est payée à celui qui a souscrit à l'assurance incendie. Imhanuka, tandis que chez Vidane, il devient voué à silence. Selon des données de l'ARCA, Agence de régulation et de contrôle des assurances, ce secteur comptait 18 associations, 10 étant dans l'assurance non-vie, 7 dans l'assurance vie et une combinant les deux. Quant à l'association des assurances Assure, elle fait savoir qu'en 2020, l'assurance incendie était encore minime avec 14,4%. Mireille Kanyangé à la société d'assurance Agico, une des sociétés ayant promis de sensibiliser les commerçants à l'assurance incendie, l'on réaffirme qu'ils vont bientôt faire des descentes dans ces marchés urbains. Entre-temps, cette société tient à rappeler que l'assurance du marché n'est en aucun cas celle des marchandises. Nous reviendrons sur le marché central de Bujumbura qui a été ravagé par le feu en 2013. Un corps d'un homme a été retrouvé le matin de ce mardi dans la rivière Myougaro, non loin du chef-lieu de la province Bururi. Les sources sur place indiquent que cet homme est mort noyé la nuit de ce lundi dans cette rivière, dont les rives étaient légèrement débordées suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Bururi depuis l'après-midi jusqu'au soir de ce lundi. Les membres de sa famille avec qui il rentrait à Mututu sur la colline Mugozi et d'autres qui ont été alertés disent qu'ils ont essayé de sauver la victime qui tentait de traverser un petit pont en mauvais état, mais sans succès. La route nationale numéro 16 s'effondre de nouveau au niveau de la colline Murambi de la zone Buruhukiro, en commune et province Rumonge. Les usagers de cette route craignent sa coupure et l'arrêt des échanges commerciaux entre Rumonge et Bururi. Ils demandent pour cela sa réhabilitation dans les meilleurs délais. Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, dit avoir déjà soumis la question à ses supérieurs pour intervention. Jean-Pierre Misago. Il s'agit là de la route nationale numéro 16 reliant les chefs-lieux des provinces Rumonge et Bururi qui ne cesse de s'effondrer sur la colline Murambi entre les points kilométriques 10 et 11 et cela malgré plusieurs tentatives de réhabilitation de ce point critique par l'agence routière du Burundi. Les conducteurs de véhicules tirent la sonnette d'alarme en faveur de sa réhabilitation. Mais son de cloche chez les habitants de cette colline qui redoutent déjà un arrêt des échanges commerciaux via cette route, si celle-ci présentant déjà plusieurs nids de poules, venait à se couper des échanges dominés par des produits alimentaires. Ils demandent eux aussi sa réhabilitation avant qu'il ne soit tard. Célestin Kagoma, un des élus collinaires de Murambi, reconnaît plusieurs efforts de l'agence routière du Burundi dans la réhabilitation de son point critique qui ne s'est pourtant pas stabilisé. Il demande une bonne fois au pouvoir public d'intervenir dans cette situation hors de la portée des efforts de sa population. Contacté à propos, Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, dit avoir déjà saisi ses supérieurs afin que ce problème soit résolu. Jean-Pierre Misago depuis Murambi, Radio Isanganiro. On revient sur le marché central de Bujumbura ravagé par le feu en 2013 et qui vient de faire 11 ans sans être réhabilité, ce qui, aux yeux des commerçants qui exerçaient leurs activités, constitue une perte énorme, aussi bien pour eux que pour les clients et tout le pays. Certains habitants de la mairie de Bujumbura qui se sont exprimés sur Isanganiro regrettent que des promesses pour la construction d'un nouvel immeuble commercial sur ce site aient été données à maintes reprises sans être suivies d'effet. Suivez-les. Ce marché était très bénéfique pour nous. Aujourd'hui, 11 ans viennent de se passer étant ravagés par le feu. Nos conditions de vie ont régressé. C'était un marché central qui rassemblait les marchands et les clients provenant de tous les coins du Burundi. Le gouvernement a donné tant de rendez-vous pour sa réhabilitation. Nous espérions que ce marché allait être réhabilité dans les meilleurs délais pour l'amélioration de la vie de la population. Mais ça n'a pas été c'était le cas. J'ai débuté le commerce dans ce marché à 12 ans, vendant des feuilles de manioc. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Lorsqu'un enfant rencontre un problème, il cherche une solution chez son parent. Nos dirigeants sont au courant de la situation, qui trouvent une solution. Depuis que le marché a pris feu, nous avons subi des pertes énormes. On m'a alors offert un stand au marché du Kotewu et après quelques jours, ce stand m'a été retiré car il servait de passage de camions pompiers. Pour le moment, j'ai opté de retourner au centre-ville où nous louons des stands qui sont chers. Nous perdons doublement. Nous attendons toujours que le marché soit reconstruit, mais en vain. Nous perdons espoir aujourd'hui car il fait plusieurs années. Nous demandons que les travaux commencent et nous sommes prêts à contribuer dépendamment de notre niveau de vie. Que la réhabilitation soit faite afin que nous continuions à exercer notre métier tranquillement. Nous demandons de concrétiser les promesses pour que le marché soit construit. Et certains caféiculteurs regroupés au sein de la coopérative Obgizabgikawa en commune Kabarole de la province Kayanza s'inscrivent en faux contre la représentation de la coopérative qui les chasse injustement. Ils disent avoir acheté des actions de 110 000 francs burundais chacun depuis 10 ans et qu'on leur remet ces actions sans intérêt. Ils demandent d'être rétablis dans leurs droits. Avit Mawenimana, représentant de la coalition des coopératives des caféiculteurs dans la région nord, indique qu'une assemblée générale de tous les membres de cette coopérative est prévue les jours à venir pour trouver une solution à ce problème. Patrick Saint-Guillaume. Les membres de la coopérative Obgizabgikawa font savoir qu'ils ont adhéré dans cette coopérative en 2014 après avoir donné des actions et qu'ils estimaient qu'ils tireraient profit de cette adhésion. Ils indiquent qu'ils pourront avoir des problèmes les jours à venir de trouver d'autres coopératives dans lesquelles ils vendront leurs cafés cerises dans la prochaine saison caféicole. Les caféiculteurs de la coopérative Obgizabgikawa qui sont en train d'être chassés demandent l'intérêt de ces actions pour ces 9 ans que la coopérative est en fonctionnement dans l'achat et la vente du café. Contacté à ce sujet, Michel Nyamugaruka, président de la coopérative Obgizabgikawa Kabarole, celui-ci nous a fait savoir que ses membres de la coopérative qui sont renvoyés n'ont pas été en ordre avec la coopérative, surtout en ce qui est de l'augmentation des actions comme elle a fait d'autres membres. Mawenimana Avite, représentant de la coalition des coopératives et des cafés cultés Kokoka en sigle dans la région nord, ne converge pas avec le président de la coopérative. Celui-ci indiquait que c'est un groupe des membres de la coopérative et surtout la représentation qui veut s'accaparer des biens d'autres membres. Il promet tenir une assemblée générale à l'endroit de tous les membres de cette coopérative Obgizabgikawa pour trouver la solution au problème ensemble. Le président de la Kokoka de la région nord met en garde d'autres présidents des coopératives et des cafés QTL qui chercheront à traiter injustement les membres des coopératives et des cafés QTL qui les représentent. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganiro. Et pour boucler ce journal, 14 ménages de la localité de Mizigo sur la colline Tongwe en commune des provinces Bururi craignent d'être emportés par le glissement de terrain suite aux grandes fissures sur cette forte pente de Mizigo. Les habitants de cette localité demandent d'être déplacés vers un autre site. Félix Niyongabo, administrateur de la commune Bururi, indique que ces personnes doivent d'abord occuper les locaux du centre d'enseignement des métiers d'Okajaboure en attendant l'aide pour la construction de leur maison. Zenon Zambumal. Une femme rencontrée dans la localité de Mizigo nous a montré où passe une grande fissure dans ces champs de culture en bas de leur nouvelle maison d'habitation construite après la destruction de leur première maison qui a été détruite par ces fissures non loin de l'usine de lavage du café située sur cette forte pente de Mizigo sur la colline Tongwe en commune et province de Bururi. Cette femme craint que sa famille et ses voisins risquent d'être victimes de glissements de terrain suite à ces fissures qui s'observent sur cette forte pente. Le chef de cette colline indique que les ménages qui risquent d'être victimes de ce glissement de terrain sont dénombrés autour de 14 ménages, mais en additionnant avec ceux qui ont des champs de culture dans cette localité, ils sont dénombrés autour de 45 ménages. Protein d'Aigamie fait savoir qu'il a déjà tiré la sonnette d'alarme sur ce cas. De même que les habitants de la colline Tongwe, ils demandent que ces personnes en danger soient déplacés vers un autre site pour les protéger contre ce risque de catastrophe. L'administrateur de la commune de Bururi fait savoir qu'il est déjà au courant de cette situation. Félix Niongabo indique que ces personnes en danger seront d'abord abritées par les locaux du centre d'enseignement des métiers de Kajaboulé dans la même commune, mais l'identification d'un autre site pour la construction de leur maison est déjà en cours. Cette autorité administrative demande aux bienfaiteurs d'appuyer pour la réussite de ce travail. Depuis Tongwe, à commune de Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.